J'ai comme une envie de toucher le ciel après tout ce que j'ai donné. Malgré travail ordonné, je suis et je serai toujours donné. Footballeur payé des millions pour toucher un ballon. Confiture pour le cochon, en gros c'est de l'or donné. J'ai souvent pardonné les insultes de mes amis, car souvent encore donné. On sait que c'est du second degré. Je devrais fermer ma putain de gueule selon les mecs paumés. Tu me parles et tu m'insultes, mais connard, est-ce que je te connais? Mes sons sont de qualité, extension emploi flac. Ne confonds pas prendre un bain et tomber dans une flaque. Des gifs et des claques te font réaliser à quel point double R peut finir à l'Elysée. Je lisais déjà l'époque de MDM, des poèmes et des bandes dessinées. Ah, tiens, j'ai envie de refaire. Ah, wesh, double R ou pas? Double R1, double R1. J'suis un Pokémon, quand j'rappe c'est toujours le même refrain. Rap dans ton coin, mec t'évolues à pas avec vos ratatata. Vous avez flow de ratatac. Ratatatac, ratatatac, ratatatac. Ça fait ratatatac, ratatatac, ratatatac. Avec vos ratatata, vous avez flow de ratatac. Je suis sur le point de partir, car je souffre le martyr. Trop de texte sur mon ordi, je sais même plus où les repartir. Pas de contrat ni de confiance, ne croyez pas en Darty. Ne croyez pas en vos ennemis, non, mais en vos envies. Je mange que des fruits, vu que l'on est ce que l'on mange. Archimboldo en version rappeur aux demandes. Des fois en faire trop, pas ça nique tout. Comparons, je t'aime et je t'aime beaucoup. Je m'imagine déjà des scènes, de quoi ne pas être zen. Avant d'être sur la scène, je mange et je passe au sel. Old school c'est trop cool, mec ça fait ancien. Je me défoule devant la foule, appelez-moi Romain. Blague et rire sur des blackberries. Des bactéries sur des bacs de filles. Polygame, tu es polyvalent, je suis. Tu finiras par un coup de fusil et moi par un coup de folie. Double R1, double R1. J'suis un Pokémon, quand j'rappe c'est toujours le même refrain. Rap dans ton coin, mec t'évolues à pas avec vos ratatata. Vous avez flow de ratatac. Ratatatac, ratatatac, ratatatac. Ça fait ratatatac, ratatatac, ratatatac. Avec vos ratatata, vous avez flow de ratatac. Le monde se travestit, ne peut plus partir en couille. Les filles deviennent des gars, et les gars des filles. Et les garces défilent de ville en ville. De style, très style, en style, hostile. Mini jupe en mini timpe et mini pute et mini tank. Elle veut juste les seins nus pour plaire à quelques frères. Elles veulent sucer la huck et la voir dans le hut. Toutes les secondes un nouveau mec, car celui-ci la traite de pute. Ce qu'on a peur de parler dans la vie, c'est la mort. Seulement c'est la merde, cette vie, c'est l'année, c'est sali. Seulement si seulement ses enfants étaient un minimum conscient. Tu m'étonnes que ça t'étonne, que l'amour se détonne. L'amour fait grossir, il n'y a pas de risque, tu pèses des tonnes. Je déconne souvent dans la vraie vie et ça je peux l'avouer. Mais quand je suis dans le studio, je suis très loin de jouer. Le monde part en couille, à vrai dire ça va de soi. Plus on évolue, plus l'avenir devient du n'importe quoi. Double R1, double R1. J'suis un Pokémon, quand j'rappe c'est toujours le même refrain. Rap dans ton coin, mec t'évolues à pas avec vos ratatata. Vous avez flow de ratatac. Ratatatac, ratatatac, ratatatac. Ça fait ratatatac, ratatatac, ratatatac. Avec vos ratatata, vous avez flow de ratatac.